cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى والعابد إنما عبادته قاصرة عليه ولا يستفيد منها الناس أما العالم فنفعه يتعدى مثل ضوء القمر يتعدى إلى الناس فلا تزهدوا في بالعلماء. On est toujours dans هذه التوجيهات الطيبة. Ces conseils précieux de ce savant الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى sur l'importance de revenir au savant. ففضل العالم على العابد كفضل القمر على السائر الكواكب. أي la différence ou les mérites des savants par rapport aux adorateurs, ceux qui font beaucoup d'efforts dans l'adoration, c'est comme la différence entre la lune et les autres étoiles. قال بل عليكم بالإقبال عليهم والأخذ عنهم وسؤالهم ما داموا موجودين فيكم ولا تعتمدوا على فهمكم. وهذا تقدم معنا. On relit فقط pour faire le lien avec la suite. أو فهم جهال أو متعالمين لم يتعلموا على أهل العلم وإنما تعلموا على أنفسهم أو على أمثالهم. المتعالم c'est celui qui pense étudier, لكن son étude elle est pas fondée sur la méthodologie correcte. متعالم il l'appelle les savants. Et c'est le fait de vouloir étudier لكن sans revenir aux savants, tout seul et en faisant certaines choses que celui qui étudie avec les savants ne fera pas. C'est pour ça que les fruits, ils sont totalement différents. Les fruits des savants, bien sûr, de leur science et ceux qu'ils ont étudiés auprès d'eux, c'est des fruits très profitables pour les autres. Que ça soit au niveau de l'aqida, de la croyance, niveau de l'enseignement, niveau du comportement, niveau des fawa'id, les leçons que tu vas retirer, etc. Amma الجاهل المتعالم فيظن يظن انه يسي انه الى étudié et beaucoup de ce qu'il fait c'est les fruits ça pousse au mal. فلهذا قال الشيخ هؤلاء ومن اخذ عنهم فان طريقتهم طريقه خاطئه. La voie qu'ils ont suivie elle est fausse, elle est pas bonne. Aïe dans l'étude de la science. لانهم اخذوا العلم من غير وجهه الصحيح. Pourquoi? Parce que leur façon d'apprendre, elle est mauvaise. On répète, anna talab al-ilm, c'est une ibadah. Bel, c'est min afdal al-ibadat. Bel, ba'd al-ulama yaqulun, c'est afdal al-nawafil. Et c'est la meilleure adoration recommandée. Et certaines choses, min talab al-ilm, c'est obligatoire pour chaque musulman. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Bel, donc on peut plutôt résumer, c'est min أنفع وأفضل العبادات. أي le fait d'étudier la science. فعلم أنه لا إله إلا الله. Vu que c'est une adoration, enfin, les adorations, il faut qu'elles soient fondées, bien sûr. Une adoration, il faut qu'elle soit fondée sur la sincérité, كذلك sur le suivi du prophète, عليه الصلاة والسلام. فاستقم كما أمرت. Tu n'adores pas Allah سبحانه وتعالى comme tu veux. فطلب العلم, on le fait pas comme on veut. Là, il y a des choses à respecter. Il y a des choses à prendre en considération, il y a des choses à éviter. فَلِهَذَا الْعُلَمَاءِ اَعْتَنَوْا بِهَذَا وَمِنْ أَفْضَلَ الْكُتُبِ فِي هَذَا الْبَابِ C'est كِتَابِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ رَحِمَهُ اللَّهِ أبو عمر الإمام المالكي جامع بيان العلم وفضله. هذا جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله. Il a cité beaucoup de preuves, beaucoup de paroles de salaf sur al-ilm, sur ses mérites et sur comment étudier la science. Et d'autres savants qui ont écrit fi hadha al-bab kitab al-ilm min sahih al-bukhari, كذلك le chapitre de la science min sahih al-bukhari, un livre le chapitre fait partie du sahih, il est très très bénéfique. Fa ala kulli hal, pour montrer que al-ilm on fait pas comme on veut. Fa li hadha qala al-shaykh wallahu jalla wa ala yaqul wa laysa al-birra an ta'tu al-buyut min dhuhuriha ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها وقت البيوت من أبوابها. Si tu veux rentrer par une maison, tu rentres par la porte. العلماء يذكرون هذه الآية pour montrer que les choses, chaque chose elle a un bab, chaque chose elle a une porte. Tu veux rentrer par une maison, tu rentres par la porte. Tu veux commencer un livre, tu commences par le début c'est la porte. Tu veux étudier une science, tu commences par le début, c'est la porte. Tu veux te marier, tu dois commencer par des choses essentielles. Tu dois aller voir le wali de cette femme, demander sa main, thumma faire un mariage, il a akhir. Hakada, l'insan, il commence pas par la fin. Qala, ash-shir, fal-ilmu yu'ta min abwabih, wa la yu'ta min a'la. Donc, l'ilm, lahu bab. On rentre par la porte. Mais celui qui veut pas rentrer par la porte, il veut rentrer par le toit. Ah, là, il se fera du mal et il fera du mal aux autres. قال ولا يؤتى من أعلى بل بالتدرج فيه شيئا فشيئا من المسائل السهلة إلى المسائل الصعبة. Et هذا, ça demande beaucoup de patience. لأن هذا العلم على هذه الطريقة, étudier la science selon cette méthodologie عند أهل العلم, ça va demander beaucoup de sacrifices et beaucoup de patience. En général, il faut voyager. ثم, ce voyage, il va durer un certain temps. لأن العلم, tu ne peux pas l'apprendre en une semaine, en un mois, en un an. Ça demande un certain temps. Même pour avoir les bases, ça demande un certain temps. Thumma kadhalik, beaucoup de sacrifices. Léna, si tu veux te consacrer au ilm, tu vas devoir faire des sacrifices par rapport à dunya. Et faire des sacrifices sur ton mode de vie. Même si tu délaisses pas, walillahi alhamd, complètement dunya, abadan. Lakin, tu dois faire des choix. Et celui qui veut étudier l'ilm et se consacrer au ilm, il devra faire beaucoup de choix et beaucoup de sacrifices. فَلِهَذَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ Ils ont délaissé cette voie qui au départ est difficile. ثُمَّ celui qui est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite et il délaisse cette porte. قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَأْتُ الْبُيُوتِ مِنْ أَبْوَابِهَا Ils ne veulent pas rentrer par cette porte, لِأَنَّهُمْ ils savent les sacrifices que ça demande et كَذَلِكَ la patience qu'il faut avoir. فَهُمْ Le fait de rentrer par la porte et monter les escaliers, pour eux, c'est trop long et ça demande trop d'efforts. Ils veulent directement arriver au-dessus. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent étudier tout seuls. Oh, ils prennent, hakada, ils goûtent l'ilm. Une mas'ala huna, une mas'ala huna. Qala, fa ha'oula la yahsulun ala shay illa ala al-jahl wal-ghurur. Ha'oula, même s'ils passent du temps, et en général, ha'oula, ils passent pas de temps. Mais en qadra, même s'ils passent un certain temps, qu'est-ce qu'ils vont acquérir de l'ignorance et al-ghurur? L'ignorance, pourquoi? Parce qu'ils étudient pas de la bonne façon. Et al-ghurur, pourquoi? Parce qu'ils vont penser, al-ghurur, c'est quoi? Annahum, ils vont se mettre en avant. L'orgueil, elle va rentrer dans les cœurs. Ils vont vouloir se montrer. Shaitan, il va les gonfler, les mains, là. Annahum, ils vont penser qu'ils ont atteint un certain statut, un certain niveau, alors que c'est des ignorants. Et vu qu'on vit dans un monde où beaucoup de gens, ils donnent de l'importance à l'apparence, et beaucoup de gens, ils sont ignorants, donc ils ne connaissent pas la science. Ha'oula, ils auront des adeptes. Ils auront des suiveurs. Ils auront des personnes qui vont vraiment croire que ha'oula, ils ont de la science. Qala wa layta anna jahlahum wa ghururahum yaqtasir alayhim. Lakin al-mushkil annahum yuwajjihuna ghayrahum wa yuftuna wa yaqulun ala Allah wa ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bighayri ilm bina'an ala fahmihim al-khati. Ha'oula, comme a dit le shir, si seulement leur ignorance, elle restait en eux, ils se feraient du mal qu'à eux. Ha'oula, la haqiqa, leur mal, ils seraient restreints, ils se font du mal à eux. Amma, al-mushkila, comme a dit, anna ha'oula, ils vont parler, ils vont vouloir conseiller, ils vont se mettre en avant. Au moins, ils vont avoir des suiveurs, et ba'dallah, à cause de leur ignorance, ils vont, leur wala et leur bara, leur alliance, leur désavou, leur désaveu, leur haine, leur amour, ça va être par rapport à Adel Insan. Si tu es d'accord avec lui, bah, ils vont te rapprocher et tu seras sur la vérité. Si tu n'es pas d'accord et tu fais l'erreur pour eux de le conseiller ou de le réfuter, fa'indahum t'es égaré. Pourquoi? Ils se sont basés, leur source, leur base, leur début, leur commencement, il était sur l'ignorance. Ce qu'ils feront par la suite, ça sera basé sur l'ignorance. Fa'cheikh, Havidahullah Ta'ala, dans ce passage, il a conseillé sur l'ilm et il a mis en garde contre certaines façons de procéder. Donc, on peut résumer, on doit revenir aux savants. On doit faire attention de ne pas étudier hadhal ilm seul, avec des livres seuls, sans revenir aux savants et s'isoler via hadhal bab. L'imam, il va penser qu'il a compris certaines choses et en revenant aux savants, tu peux t'apercevoir que cette chose, l'unanimité des savants, ils n'ont pas compris comme tu as compris. Belle, tu pourras t'apercevoir que ce que tu as compris, c'était de l'égarement. C'était de l'égarement, Belle. C'était les pensées de certains groupes. égarés. Lakin fi kul insan, khassatan les non arabophones, non, ils ont des faiblesses dans la langue pour pouvoir comprendre les sources. Et ils ont oh, certains d'entre eux, ils font pas assez d'efforts. Il a révélé chacun ou là, ils pourront pas atteindre le niveau des savants ou de ceux qui ont étudié avec les savants. Et on a enfin un dernier tambi avant de passer à la dernière partie. Un cheikh, Hafidhahullah Ta'ala, donc il a mis en garde contre certains procédés. Et on a un peu rajouté et faire une remarque et conseiller nos frères à tahdir min tariqatin intasharat fi waqtina. À notre époque, khassa encore plus, une façon, un procédé s'est beaucoup propagé et c'est devenu la base chez beaucoup de jeunes khassatan. Et cette façon de faire pour apprendre, c'est akhdh al-ilm an ba'd al-maqati', que ça soit des vidéos assez courtes ou des audios très très courts ou des traductions très très courte d'une parole ou deux. Pardon, ils se basent sur ça et leurs efforts fil ilm c'est que sur ça. C'est pas une méthodologie correcte hadi. Même si ce que tu écoutes et ce que tu lis, c'est des savants de la sunna. Limadha li'ann hadha al-ilm il faut des bases. Et hadha al-ilm comme a dit le cheikh, il faut du tadarruj, il faut commencer par les livres de base ou hakada. Amma l'ignorance, l'insan l'a jamais étudié. Et il se base que sur ça. On ne dit pas que écouter des audios courts ou des fatawas de savants, c'est pas permis ou c'est néfaste. Là, on parle du fait de se baser que sur ça et ne pas faire des efforts fil ilm. Limada, encore plus si c'est une traduction. Encore plus si c'est des traductions. Limada, لأنها هذه المقاطع bien sûr يستفاد منها لكن لا تكون العمدة في الطلب. C'est pour ça que les ulama, quand tu étudies, la première chose qu'ils te disent de faire des efforts في حفظ القرآن, d'apprendre le Coran. ثم quand l'insan a fini le Coran, d'apprendre des bases dans la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, des livres, que ce soit العمدة, que ce soit البلوغ, que ce soit الأربعين ou رياض الصالحين ou صحيح البخاري, مهم, des sources. نعم. أما هؤلاء, ils n'ont pas toutes ces sources. Ils n'ont pas ces bases. كذلك, ils n'ont pas étudié l'ilm بالتدرج كما قال الشيخ. Apprendre des moutons en langue arabe. ثم un matn fil fiqh. ثم des livres dans l'aqida. Des livres dans le tawhid. Pour avoir des bonnes bases, حتى tu pourras comprendre les paroles des savants. أما ce qu'on vit à notre époque, c'est que بعض الناس, surtout, c'est devenu très très simple et très très rapide avec les moyens d'aujourd'hui, les réseaux sociaux et autres. فهذا مثلا il lit une parole de Cheikh l'Islam de Taïmiya qui comprend selon sa compréhension à lui, selon son ignorance. ثم il envoie un autre, ثم l'autre il envoie, et avec les traductions c'est encore plus grave, il y en a peut-être mal traduite à la base ou ça peut être une erreur. Lien à Cheikh l'Islam il est pas infaillible, mais à cause de l'ignorance ils vont prendre ce texte comme si c'était la révélation, donc c'est infaillible, tu peux pas le remettre en cause. Et ثانياً, même si la parole elle est vraie, et en général, wallahi alhamd, kalam cheikh l'islam, il est bien sûr, il est tayyib, lakin il est mal compris. Pourquoi? Li'annahu, il n'y a pas de base. C'est pour ça que ha'oula, idha hajamat fitnatun ala al-umma, fa ha'oula, en général, c'est hattab hadihi al-fitna. Cette fitna, elle va brûler, les premiers qu'elle va brûler, c'est ha'oula. Limad, à cause de l'ignorance. Lian al-ilm, c'est pas comme ça. Al-ilm, tu étudies l'ilm si tu veux faire des efforts dans l'ilm. Et bien sûr, tu profites des paroles des savants, des audios, tout ce que tu reçois. Tu en profites, lakin c'est pas une base dans l'ilm. Va bien différencier. Qadiakul qa'il, mais je ne peux pas étudier la science. Si tu ne peux pas étudier la science et te consacrer à la science, et la remarque qu'on voulait faire, c'est ici, bien sûr, profite. Celui qui comprend pas l'arabe, il profite des traductions. Celui qui comprend l'arabe, alhamdoulilah, il profite des audios des savants, même si c'est court, il a akhri, une nasiha, une fatwa. Lakin, ne te mets pas en avant et rentre pas dans des choses que tu maîtrises pas. Limada, li'anna kama qulna idha hajamat une fitna, khasatan si c'est un khilaf bayna ahl al-ilm, emma, tu trouveras du taqlid. Limada, li'anna, il va recevoir la parole d'un savant, il va la prendre comme la révélation. Elle peut pas être remise en cause. Ça peut pas être une erreur. Et même si elle est vraie, si un autre il le contredit, il saura pas comment se comporter. À cause de l'ignorance. C'est pour ça que tu trouves Adnan Nas qui critique des savants de la Sunna à cause de leur ignorance. C'est pour ça que tu trouves Talabat al-Ilm et les savants, quand il y a une divergence. On a souvent cité l'exemple de Cheikh Al-Albani avec Cheikh Hamoud, rahmatullah alayh, Cheikh Ibn Baz avec d'autres savants, annahum, dans certaines choses ils ont divergé, lakin ça les a pas poussés à se détester. Abatan. Limadha li annahum, ils avaient des bases solides. Enfin, hadhihi an-nasiha, elle est très très importante. C'est pour ça qu'on doit étudier l'ilm. Et alladhi dhakarna anna ba'd an-nas peuvent dire, mais je ne peux pas me consacrer au ilm. Tu peux te consacrer. Consacrer au ilm, ça ne veut pas dire que tu dois te consacrer du matin au soir et faire tous les livres. Là, qui nous donne du temps. Apprends un livre de base dans la croyance. Apprends un livre de base. Quand on dit apprends, imma c'est mémoriser, celui qui ne peut pas, l'étudier. L'étudier du début à la fin en prenant des notes. Tombe un deuxième livre, qalilan, qalilan, et vous verrez que yahsul khayran, kathir. Amma l'ilm, ce n'est pas que cela. S'envoyer une fatwa, wallahi, wa'adhum, il s'envoie. Si on prend, on reste dans l'exemple des mises en garde. Une mise en garde, il ne sait même pas c'est qui, il ne sait même pas ça veut dire quoi. Il la propage et si tu ne la prends pas, tu es un égaré. Alors que c'est un isa' kabir bayna ahl al-ilm. Ça demande du temps, ça demande une dirasa, ça demande une étude, ça demande un ta'anni pour pouvoir arriver à une conclusion bénéfique. Lakin al-jahl. Pardonnez, ils n'ont pas goûté à la difficulté, aux obstacles, à tout ce que Talab al-Ilm a comme conséquence. Ils ont que cette façon de faire. Je reçois un message. Pardon, ils font des copier-coller, ils lisent même plus. Et ils pensent que celui qui les contredit, c'est un égaré. C'est pas ça l'ilm, ya ikhwan. C'est pas ça l'ilm. En dorou, nous dorous, ça demande du temps. Du premier au dernier. C'est pour ça qu'en général, vous avez remarqué qu'au départ, on est madrikam, on est un certain nombre. Et avec le temps, toujours ça diminue. Limada. L'ilm, ça demande de la patience. Amma, les copier-coller et les critiques hakada infondées et le suivi aveugle, c'est la chose la plus simple. La plus simple. Par le ilm, maintenant qu'il fait des efforts, il peut arrêter tous ses efforts et se mettre derrière son écran et suivre aveuglément, suivre la vague. Tout le monde critique, je critique. Un tel, il revient, je reviens. Pour ne pas trop contredire. Et hakada, je m'adapte. C'est pas ça l'ilm. L'ilm, c'est se baser sur les textes du Coran et de la Sunna et patienter. Et l'ilm, c'est l'illah. C'est pas pour satisfaire un tel et un tel. C'est pour ça que lors de la divergence, on n'est pas là pour satisfaire un tel et un tel. Quand il y a une divergence, on est là pour connaître et savoir cette vérité. Lakin kama qala al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah huna, à cause de al-muta'alimun wal-jahilun al-juhal, beaucoup de fitan dans ce point. Donc on fait attention à ça. On fait des efforts fil ilm et on profite du khayr. Et on essaye et on fait des efforts pour emprunter la voie correcte pour étudier. On donne de l'importance au hifd, on donne de l'importance à la mémorisation. On donne de l'importance à ulum al-ala. Limadha li anna parmi ulum al-ala, les outils pour pouvoir comprendre les textes du Coran et de la Sunna, un des outils les plus importants, c'est la langue arabe. Mais les traductions, faqat, s'envoyer des traductions et hakada, c'est pas une méthodologie, c'est pas, tu arriveras pas à avoir un niveau correct fil ilm. C'est pour ça que nous nourrid min ikhwanina, que on n'a pas l'objectif d'être de simples traducteurs. Un traducteur, c'est pas forcément un étudiant. Et hada, c'est la deuxième remarque pour conclure hada, on fait attention, l'ilm, ça se prend pas des traducteurs. Les traducteurs, barakallahu fihum, s'ils font du travail correct et il est à la sunna, ils traduisent, alhamdulillah. Lakin, ne pas les prendre comme référence et ne pas les élever au-dessus de leur place. Là, un traducteur, c'est quelqu'un qui a des connaissances en langue arabe et la langue dans laquelle il traduit, et alhamdulillah. Lakin, nous, on essaie de faire des efforts pour être plus qu'un traducteur, pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il fasse de nous des causes pour montrer هذا الحق. Donc, Akhil Karim, fais des efforts. Et anta, toi-même, inshallah, tu feras du khair. Toi-même, inshallah, tu traduiras. Belle, tu feras beaucoup plus. Mais, idnillah, azza wa jal. Thumma qala, al-shaykh, hafidahullah ta'ala, fahadihi tariqatun sayyi'ah. Wahiya tariqatu ta'alum. التي كثرت الآن وزهد كثير من الشباب في العلماء والأخذ عنهم وترون ما حصل من هذه الفتنة العظيمة حيث ظهر من يدعي الجهاد ويدعي العلم فأصبح يخرب ويورع ويقتل في البلاد à cause de la mauvaise méthodologie. Ce qu'on vient de citer, Annahum des copier-coller. Ils s'envoient que des passages. Tel cheikh, il a dit, tel cheikh, il a dit. Hatta ba'dhum, ils sont arrivés à une compréhension en se basant sur certains savants de la sunna que les gouverneurs, c'était des kuffars. Pourquoi? Parce que celui qui ne juge pas par les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est forcément un kafir. Ils n'ont pas pris le tafsil de Ahl al-Ilm. Annahu, il y a plusieurs situations. Ils ont rendu kuffar les gouverneurs. Thumma, ils ont rendu kuffar les musulmans, les croyants qui obéissent à ces gouverneurs. Et ils se sont engagés avec des groupes sectaires et Daesh, etc. Daesh, c'est un groupe d'ignorants et c'est le réservoir entre guillemets de Haoula al-Juhal, qui n'ont pas patienté fil-ilm, qui ont voulu comprendre tout seul, qui ont critiqué les autres injustement et dhallou ou inharafou. Qala hadhihi natijatu ils ont délaissé Ahlul Ilm. Maintenant, leur manhaj, il est basé sur quoi? Sur la critique des gouverneurs. Et des savants. قال لأن هؤلاء شردوا عن العلماء وذهبوا إلى أمثالهم من دعاة الضلال وأصحاب الفكر المنحرف فغسلوا أدمغتهم ولقنوهم هذه الأفكار هذه نتيجة الانعزال عن العلماء والمجتمع وجماعة المسلمين وإمام المسلمين. Donc ils ont délaissé les savants, ils ont critiqué les gouverneurs, ils se sont isolés, ils ont pensé que tous les musulmans, ils étaient égarés et c'était eux le groupe sauvé. Et ils ont kafir, ils ont rendu tout le monde mécréant. Il s'est passé ce qu'il s'est passé. Il y a quelques années avec Al-Qaïda et ce qu'on vit de nos jours avec Daesh. Et nas'alullah al-afiyah. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما أخبره عن الفتن قال يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. Ça, c'est Nasihatun Nabi alayhi salatu salam. En période de fitan, Akhil Karim fait attention de ne pas t'isoler. Qala alayhi salatu salam, quand Hudhayfa radiallahu anhu lui a demandé conseil, An talzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Reste avec le groupe des muslimines et l'imam, le gouverneur. Et attention de ne pas penser que tout le monde est égaré. Que tout le monde, ils sont sortis de l'imam. Ah, c'est très très grave. À notre époque, même s'il y a des manquements, même s'il y a des faiblesses, al-khayr hasil. Jama'at al-muslimin est encore présente, il y a des gouverneurs, walillahi alhamd. Enfin, le muslim, il reste avec hadhihi al-jama'a et il essaye de conseiller. Il appelle au khayr, il fait des efforts dans l'ilm pour pouvoir être une cause de réformer et de guider, bi-idhnillah, azza wa jal. Qala wa hadha manjatun min al-fitan. C'est une cause pour être sauvé des fitan. Le fait de revenir à Al-Jama'a et à l'imam. Et bien sûr, s'accrocher au haq, ça ne veut pas dire qu'on suit les autres aveuglément ou on se tait sur la vérité. Abadan. Lakin, la rébellion et takfir, faire sortir les autres de l'imam, bighayri haq, ça, c'est de l'égarement. Qala, wa amma idha tarakta jama'at al-muslimin wa imam al-muslimin va innaka hina idhin tahlak fil fitan kama hasala li ha'ula wa amthalihim. M. Rosen, il parle des jeunes qui se sont engagés avec Daesh, avec Al-Takfiriyin, avec Al-Khawarij à notre époque. Wow, ils se sont égarés. Ils ont laissé Jama'at al-Muslimin et ils ont laissé Imam al-Muslimin. Maintenant, dans leur pays, maintenant, M. Rosen, il parle Obama, des jeunes de son pays. Ils ont délaissé Jama'at al-Muslimin, ils ont délaissé les gouverneurs. Pardon, ils ont voyagé, pardon, ils sont restés dans ce pays. Lakin, ils se sont engagés avec des égarés et ils ont fait beaucoup de mal. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله ونصيحة ولاة أمور المسلمين ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. نعم. فces trois choses, elles sont très très importantes. الإخلاص, la sincérité, conseiller les gouverneurs, chacun selon sa capacité, celui qui peut pas الدعاء, il invoque pour eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. وَلُزُومْ جَمَعَةَ الْمُسْلِمِينَ. Il reste avec le groupe des musulmans. قَالَ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. أي كونوا مع جماعة المسلمين ومع العلماء المخلصين ومع ولاة أمور المسلمين حتى تنجوا من الفتن. هذا, ça nous montre quoi? Ça nous montre à ceux qui s'isolent. Ils critiquent les gouverneurs musulmans. Ils critiquent les savants. Et ils pensent que tout le monde est égaré. Haoula, c'est en général Al-Ladina Tarabbaou ala Kutub Sayyid Qutb. Ou son frère Mohamed Qutb. Al-Ikhwan. Ça, c'est l'état de Al-Ikhwan. la secte des frères musulmans, hatta ils sont arrivés à un niveau là où ils appellent le mujtama'at al-islamiyya al-mujtama'at al-jahiliyya. Hada, c'est du takfir, hada al-umum. Là, je sais qu'il y a des choses qui sont mauvaises. Là, je sais que dans certains endroits, il y a du kufr, il y a du shirk, il y a des bid'a ila akhri. Lakin hada at-ta'mim, le fait de généraliser et de penser que tout le monde est égaré, hada c'est aynul inhiraf, c'est ce qui a poussé haoula à se rebeller. Et c'est ce qui a poussé cela à rejoindre l'ikhwan al-muslimin. Daesh, là, tadhunnun anna, c'est un groupe qui est venu comme ça. Daesh, c'est une branche de l'ikhwan. C'est une branche de l'ikhwan qui sont revenus aux sources de l'ikhwan. Les livres de Sayyid Qutb wa ghayrihi min at-takfiriyin. Qala wa al-afkar. Qala hatta tanjaw min al-fitan wa al-afkar alaykum ayyuha al-shabab bihifz awqatikum fima yanfa'ukum fi umur dinikum wa dunyakum. Thumma khatama hadhihi ar-risala avec des nasa'ih, des conseils très très importants. Donc le principal conseil, c'est, vous avez remarqué, al-inaya bi talab al-ilm. Faire des efforts, bil'ilm. L'inna, celui qui n'a pas de ilm, surtout à notre époque, vu qu'il y a des fitnes partout, des fitnes dans tous les domaines, concernant les gouverneurs, concernant certains, ils accusent les savants, concernant l'islam de France, la démocratie, certains prêcheurs, yadim billah, ils appellent à la mécréance, d'autres, ils appellent à l'exagération, à l'extrémisme, celui qui n'a pas de ilm, il devient une proie facile à tous ces groupes. Dans l'insan, il fait des efforts dans l'ilm, et ça ne suffit pas l'ilm. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-naja ou al-hifz. Mais on doit faire les causes. Et la principale cause, c'est d'étudier. Et كذلك, de rester avec Jama'at al-Muslimin et ne pas se rebeller contre les savants et contre les gouverneurs. L'imad al-insan, il doit se regarder lui, réforme-toi, anta avant. Vous avez remarqué que leur discussion, c'est toujours les gouverneurs, les savants. Ils insultent les savants, ils insultent les gouverneurs. Et leur situation, elle est critique. Et on a déjà conseillé في هذا الباب كثيرا. ثم هنا نصح بحفظ الوقت. لماذا؟ لأن celui qui prend pas soin de son temps, ça devient une proie de هذه الأفكار. Ça devient une proie. Si t'es pas occupé par l'ilm, ou tu n'es pas occupé par dunya, لأن on peut pas tous se consacrer qu'au ilm. لكن si l'insan il est pas concerné par l'ilm, il est pas, on est tous concernés, il est pas aqsud, il n'est pas consacré qu'au ilm, il doit faire des efforts. Il doit faire des efforts fi talab al-halal wa talab al-rizq sans négliger l'ilm. Amma celui qui n'a aucun des deux, il ne travaille pas, il fait aucun effort via dalbat, et kadhalik il fait aucun effort dans l'ilm. Hada, il va s'isoler, et avec internet, il sera la proie de tous ces groupes. Fali hada, vous avez remarqué que tous ceux, ou la plupart de ceux qui se sont engagés avec haoula, Abdullah, Daesh et autres, أنهم ils étaient pas consacrés au ilm, ils étaient très loin du ilm, et كثير منهم ils étaient exclus de la société, ils étaient exclus de leur famille, du travail. C'est devenu des proies derrière leur écran, hatta une vidéo, une traduction, et ils se sont engagés avec ce groupe égaré. هذا, c'est pour ça que Cheikh حفظه الله تعالى, il est un savant, il connaît ces points, il conseille العلم et occupe ton temps. قال عليكم أيها الشباب بحفظ أوقاتكم فيما ينفعكم في أمور دينكم ودنياكم في طلب الرزق وطلب العلم. C'est deux points qu'on a cités. Celui qui ne peut pas se consacrer qu'au ilm, fait des efforts dans l'ilm et كذلك fait des efforts dans le dunya. طلب الحلال. طلب الحلال, c'est une ibadah azima. Lakin sans faire de concessions sur ton din. Tu choisis un travail tayyib qui ne contredit pas ton din, bien sûr, qui te laisse du temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, khassatan les cinq salawat. Alhamdulillah, kadalik, tu fais des efforts fil ilm. Wala ou une petite partie dans la journée. Et alhamdulillah, le week-end, tu essaies de faire un peu plus d'efforts. Hatta yiftah Allahu alik. Au moins, l'insan, c'est un sunni, même c'est pas un savant, même c'est pas un talib ilm, c'est un sunni, il est à la khayr. Il combat pas les savants, il combat pas talab batel ilm, et il se met pas avec les égarés. C'est pour ça que vous avez remarqué que le mujtama', la société, elle a des savants, elle a des étudiants. On peut pas tous être des savants et des étudiants. Là, la plupart, c'est des gens de la masse. Lakin, si ces gens de la masse, ils ont une éducation à la sunna, et même s'ils sont fit dunya, ils donnent de l'importance à leur din et au ilm, par rapport à leur niveau, ils seront utiles. Même s'ils sont pas utiles, au moins, ils combattent pas la vérité. Amalan, on vit à une époque, dans certains endroits, ba'dhum, wallahi, c'est des juhal. La ya'rifun illa al-qalil. ils connaissent pas grand chose, là qui ils combattent le haq. Lima il y en a l'éducation à la base. Il m'a des afkar dégarés, il m'a l'ignorance et les passions. Il m'a le tout. قال وبر الوالدين وأداء الفرائض وتجنب المحارم. كذلك beaucoup d'importance à هذا. L'obéissance aux parents et la bienfaisance envers les parents. وأداء الفرائض, donner de l'importance aux adorations, aux obligations. وتجنب المحارم, s'écarter des interdits. قال عليكم بذلك فإن هذا هو سبيل النجاة. احذروا من ضياع الوقت مع الفضائيات ومع الانترنت أو مع الصحف والمجلات التي تجلب الشرور وتروج الأفكار المنحرفة. نعم عليكم بذلك فإن هذا هو سبيل النجاة. On doit faire des efforts. On vit dans une période de fitna. Donc tu dois faire des efforts. Chacun par rapport à son niveau. Chacun par rapport à son niveau. Et même si on a des faiblesses, on accepte le haq. Même si on n'arrive pas à faire certaines choses niveau ilm, etc. Au moins, comme taqaddam, on combat par la vérité. Au moins, on aide. Voilà, avec al-du'a et al-kalam al-tayyib. Thumma, il a mis en garde contre la perte de temps et contre al-fadaiyat, al-internet et al-suhuf. Aïe, tu peux résumer par les médias. On ne doit pas perdre notre temps, ma'ahada. On ne doit pas perdre notre temps avec la politique. Al-mu'min, bien sûr, il ne rejette pas toute la politique. La politique, minha, siyasa shar'iyya. Lakin, beaucoup de politiques sont propagées. L'un, c'est basé sur les passions, l'ignorance, il a akhir. Et siyasa laha rijaluha. La politique, elle a des hommes qui s'en occupent, parmi les gouverneurs, parmi les savants. Amma anta akhil karim, fais attention. Ba'd al-shabab kadalik. On a déjà conseillé à Delbeb, on essaiera de faire une kalima sur ce sujet. Sharalu anfuzahum, à cause des médias, à cause d'internet, avec tout ce qui est lié au complot. Thumma, ils sont entrés dans la politique. Thumma, ba'duhum, ba'd al-kalam, il n'est pas fondé sur l'ilm. Certaines choses, c'est takhayulat. Ils ont un peu de paranoïa, bel ba'duhum, beaucoup. Et ils sont rentrés dans un combat qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Et ils ont délaissé l'ilm. Tu ne vas pas combattre les idées corrompues, les croyances fausses, les ennemis de l'islam avec Ashab le complot. Beaucoup de ceux qui défendent ces complots et les thèses complotistes et qui les exposent sur internet, beaucoup d'entre eux c'est des koufars. Belbardom c'est des ennemis de l'islam clair. Et tu trouves une chabab, l'umma ils suivent haoula. Notre haine envers les koufars, envers les juifs ou autres, ça ne doit pas être de la passion. Naam. On déteste pas les juifs parce que ils ont pris la Palestine et ils ont opprimé les Palestiniens. Faqat. Là, hada, c'est une cause. Mais on les déteste avant tout parce que c'est des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ont contredit notre aqid. Enfin, si tu les détestes par rapport à ça, tu dois apprendre ta aqid. Mais tu leur reproches une chose, tu les détestes pour une chose, et anta, toi-même, tu n'apprends pas cette chose. Enfin, la faiblesse, elle est ici. On fait attention à hada, ne pas perdre notre temps. Avec hada, apprends ton din. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ne perds pas ton temps avec Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, il est arham. Il est arham bil umma mink wa minni. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui préserve les croyants. Haoula, ils font des choses. Bien sûr, on nie pas tout cela. Lakin, la remarque qu'on a et le conseil, c'est ne perds pas ton temps, fihad. Mais haoula, bien sûr, ils ont des objectifs. Ils veulent faire du mal à la umma. Et tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils veulent faire. Lakin, ne perds pas ton temps. احفظ الله يحفظك. Fais des efforts dans l'ilm. Mets en application. Et oui, in Allah Azza wa Jal, tu atteindras un niveau, tu pourras réfuter haoula bi'ilm et tu seras utile à tes frères. Amma vouloir combattre la mécréance avec les thèses complotistes qui sont propagées par des mécréants, voilà, ça ne fait pas partie de notre din. Abadan. Qala, واحذروا دعاة الضلال الذين يتصيدون الشباب. Et hada taqaddam ma'ana. On fait attention aux prêcheurs de l'égarement. قال ويقتطعونهم دون أهليهم ومجتمعهم فيلقونهم نعم فيلقنونهم هذه الأفكار. نعم, on fait attention. Et ça c'est un signe parmi les signes de l'égarement. أن الشاب s'isole de sa famille. Al-Kuffar, ils ont mis en place certains signes pour reconnaître le radicalisme, il a akhiré. Et, Obama, ils ont cité Midlahada, le fait de s'isoler. Lakin, wallahi, on pourra pas combattre le radicalisme, comme ils l'appellent, ou l'extrémisme. Bah, pour eux, l'islam sahih, c'est le radicalisme. Lakin, on parle comme Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahoullah, pour combattre Al-Khawarij, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit Daesh, que ce soit l'Ikhwan, tous ces groupes égarés, c'est en revenant à l'Aqida Sahih. Non, c'est pas avec l'islam de France, c'est pas avec la démocratie, tout ça c'est bâtil. Là, parmi les signes, Al-Nahaoula, Sahih, ils font tout pour que ce jeune s'isole de sa famille. Là, il y a un barrière. On doit avoir de la rahma envers notre famille. Si toi, tu sais, si ta famille, ils ont des problèmes, là, je sais que certaines familles, ils ont des problèmes. Certaines familles font encore du shirk. Ils font encore certaines choses. Certains, ils font pas salat. Certains, yatashabbahoun bil kuffar. Là, sienta, tu connais la vérité, essaye d'être une rahma pour eux. Ou là, c'est des proies eux-mêmes, c'est des victimes. Essaye de faire des efforts pour être une lumière pour eux. Montre-leur le haqq. Isbir alayhim. Combien ils ont patienté sur toi avant que tu commences à comprendre certaines choses avant d'aimer cette vérité, vouloir la secourir. Combien ils ont patienté sur toi? Bah, de Shabab, khalas, ils connaissent la vérité. Ils patientent une semaine avec leurs parents, thumma, les coupures. Al-Hajr. Ça fait pas partie de notre dîn. Abadan. Bel, c'est un signe et c'est une cause pour tomber avec les groupes égarés. فلهذا قال الشيخ حفظه الله فتجد الشباب ينعزل عن والديه وعن بيت أهله ثم ينعزل عن المساجد وعن الجمع والجماعات. Ça c'est pas la voie des salafs d'Ahl Sunnah, abadan. Ahl Sunnah, ils s'isolent pas de leur famille, ils délaissent pas les masajid. Tu trouves ces jeunes, ils s'isolent de leur famille. Pourquoi? Parce qu'il y a certains péchés. Thumma les masajid. Pourquoi? Parce que aqida tout takfir, elle commence à rentrer dans les cœurs. Pour eux, l'imam, c'est plus un musulman. Pourquoi? Parce que c'est un imam dans ce pays qui est gouverné par les koufars. Ceux qui assistent, c'est plus des musulmans, ou c'est des égarés. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent cet égarement. Thumma, ils se retirent. Ils disent, ah, là, je fais plus salat avec eux. Pourquoi? Parce que c'est des égarés. Pardon, ils vont plus loin, ils les kaffar. Ça fait pas partie de notre dîn, hada. Abadan. Abadan. Sahaba, radiyallahu anhum, ils ont fait as-salat derrière certains qui faisaient des péchés, des graves péchés. Ça fait pas partie de notre dîn. Tant que l'imam, c'est un musulman, tu fais salat. Même s'il a des péchés. Même si c'est un égaré. Si on trouve un autre masjid, alhamdoulilah, si on trouve pas de masjid, on fait salat. Si on peut conseiller, on conseille. On peut pas, on fait salat, on rentre chez nous. Amma, s'isoler, c'est pas la solution. Abadan. Et on va pas tout détailler, on a le fait de s'écarter de Ahlul Bidah, de ne pas faire certaines innovations. On a déjà expliqué, on parle de Jama'at al-Muslimi. Et le fait de penser qu'il n'y a plus de musulmans, et l'insan, il s'isole. C'est Aqidat al-Takfiriyin. Léna al-Muslimoun, alhamdoulilah, mawjoudoun. Qala thumma la yudra aina dhahab ila aina yu'lan anhu maqtoulan ma'a al-mukharribin. أو مقبوضا عليه معهم هذه نتيجة الإهمال. Et c'est ce qui est arrivé, et ce qui propage dans les médias. Combien de familles ils ont été retrouvées dans certains bilads. Anna بعض الضائعين ils sont partis combattre au nom du jihad pour Daesh ila akhire. Ils ont fait que du mal. Ils se sont fait du mal à eux-mêmes. Ils ont fait du mal à leurs femmes. Ils ont fait du mal à leurs enfants. Ils ont fait du mal à leurs familles qui sont restées dans leur bilad. Bardoum, ils ont été tués. Bardoum, ils sont emprisonnés. Pourquoi tout cela? Pour quelle cause? Le jihad, c'est avec les gouverneurs, c'est avec Ahlul Ilm. Amma, le jihad avec Daesh, c'est le jihad fi sabil Iblis. Comme يقول Ahlul Ilm. On doit faire attention à ça. Thumma, les parents, Masakin, ils sont tristes. Thumma, les enfants qui sont récupérés par les koufars, ils sont placés dans des familles d'accueil. Tout ça pourquoi? Parce que le père, il voulait faire had al-jihad à cause de ses faiblesses. Rabbama qutila, il a été capturé et la famille va'at. Toute une famille. Elle est hakada. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala, wa hadhihi natijatu af'ali ash-shabab alladhina lam yaqbalu an-nasiha. Lakin la cause c'est quoi? Comme qala ash-shir, hadhihi natijatu al-ihmal. C'est les parents. Certains parents, ils savent pas leur fils, il va où? Il écoute quoi? Il marche avec qui? Certains parents, leurs enfants, ils voyagent, ils ne savent pas, il va où? Les enfants, il faut pas les croire dans tout. Surtout dans cette période de fitna. Un enfant, ça monte très très vite. Les parents, ils doivent faire attention. Ils doivent haqqaq, ils doivent faire des recherches, regarder. Khasatan, s'ils voient certains signes. Amma hakada hada l'ihmal, abandonner ce fils. Thumma kama qala shir, un coup de téléphone, le fils, il a été tué. Ou le fils, il est capturé dans tel pays. Allez, c'est une moussiba. Et t'as l'amour, on en a un parent, c'est un parent. Il pourra pas se désavouer de son fils. Abadan. Ah, ça rend triste. Bel, Robama, ce père ou cette mère, ils arrivent plus à vivre correctement. C'est pour ça que l'enfant, il aura une énorme responsabilité. Yawm al-Qiyama, le mal qu'il a fait à ses parents. Et les parents, si kadhalik, ils ont eu al-ihmal, ils ont eu des manquements, ils ont une responsabilité. Falihada al-Sheikh, Hafidhahullah, il a cité la responsabilité des parents. Thumma qala wa hadhihi natijatu af'al al-shabab alladhi lam yaqbalu an-nasiha. Kadhalik, ces jeunes, ils ont une responsabilité. Ils n'ont pas écouté. Les savants, ils n'ont pas écouté les gouverneurs. Là, ils n'ont écouté que le guide de la secte. Qala. ولم يأخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين وبر الوالدين وخدمة الوالدين والمحافظة على الصلاة على صلاة الجمعة والجماعة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم il a donné un حق عظيم au gouverneur. Il a donné un حق كبير aux parents. مثلا si on prend l'exemple de le jihad, là c'est notre sujet. Le gouverneur il est pas d'accord. Les parents ils sont pas d'accord. فكل jihad. C'est pas un jihad, c'est une ma'asiyah. C'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, au gouverneur et aux parents. Enfin, quel khayr tu espères? C'est pour ça que haoula khudzilou. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu la victoire. Ils se sont propagés un peu il y a quelques années. Thumma al-an, ils sont repoussés, ils sont emprisonnés, ils sont tués de toutes parts. Limadha li'anna al-jama'a ma ussisat ala al-taqwa min awwal yawm. Balla, c'est l'ignorance, le takfir et les passions. قال لما ضيعوا هذه الأمور وقعوا بأيدي أعدائهم فاسترقوهم ولقنوهم هذه الأفكار التي قضت على حياتهم. نعم ils ont gaspillé leur vie. لماذا لأنهم ils ont délaissé la science, ils ont pas écouté les conseils et ils ont suivi ces groupes égarés, خاصة le groupe des إخوان, les frères musulmans. Inch'Allah, ça sera le thème de notre prochaine conférence بإذن الله sur les sectes en islam. قال وحتى لو بقي منهم من بقي فانه يصعب علاجه لانه فسد فكره وغسل دماغه فهو صعب علاجه مثل المريض الذي اصابه مرض ليس له علاج مثل داء السرطان او غيره. صحيح. Même ceux qui sont revenus auprès de leurs parents, il a arrêté. C'est très très dur de les conseiller pour qu'ils acceptent la vérité. لماذا كما قال الشيخ غسل دماغه. À lavage du cerveau. Et Houa Aslan, il pense qu'il a compris la vérité que tout le monde ignore. Enfin, pour lui, les gouverneurs, c'est des koufars, c'est des mécréants. Les savants, ils sont à la solde des gouverneurs. Anta, tu appelles à obéir à un mécréant et tu donnes du respect à un savant égaré. Enfin, il accepte de plus personne. Tu lui cites un verset, tu l'as mal compris. Tu lui cites un hadith, pour lui, tu l'as mal compris. Et l'ignorance. Et l'ignorance et les passions et la fierté, yadam billah. Falihada, comme a dit le shir, c'est très très difficile de soigner haoula. Comme ceux qui sont atteints de as-saratan, le cancer. C'est très très dur de les soigner, khasatan, quand la maladie elle a atteint un certain niveau. Hakad al-bid'a. Quand le bid'a elle a atteint un certain niveau, fi qalb al-munharif, c'est très très dur qu'il revienne. Falihada, qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tawbah li mubtadi' hatta yada' bid'ata. La tawba, le mubtadi' il a pas de tawba. Ahlul ilm, ils expliquent al-hadith, il a pas de tawba. En général, il ne fait pas de tawba. Ou illa, s'il se repent, Allah, il accepte son repentir. Lakin al-mubtadi' en général, il ne fait pas de tawba. Limada? Lian al-mubtadi' al-munharif, il pense qu'il est al-haq. Il pense que c'est lui qui a la vérité belle. Il va t'appeler ant. Il va te montrer que c'est toi qui dois te repentir. ثم قال بل فساد الفكر أشد من المرض العضال لأن المرض العضال يقضي على الجسم والموت لا بد منه ولكن المشكلة أن مرض الدماغ ومرض الفكر يقضي على الدين. نعم أما les maladies, si ton fils ou ta fille ou un jeune il a atteint par une maladie qui touche son corps, là je sais que les parents ils vont être tristes, ils vont faire des efforts pour faire des courses pour qu'il soit soigné. لكن c'est une maladie qui touche son corps et il mourra comme tout le monde. Peut-être que Allah il a décrété qu'il mourra par cette maladie et un autre il mourra par autre chose. Et s'il est à la khair, alhamdoulillah. Cette maladie c'est une cause pour que ses péchés soient pardonnés. C'est une cause pour l'élever. Et kadalik c'est une cause pour que les parents ils soient récompensés par cette épreuve. Alhamdoulillah, son patience c'est du khair. Amma la maladie du cœur et de l'fikr. L'fikr c'est les pensées. Si cet enfant il tombe malade en rejoignant un groupe comme At-Tablir, comme Al-Ikhwan, comme Al-Khawarij, comme Al-Mu'tazil Al-Jahmiya, il a arrêté. C'est très très grave. Même ton fils, il est en pleine santé, en bonne santé devant toi, il est gravement malade. Il est gravement malade et il peut faire des choses très très graves, faire du mal à lui et aux autres. Qala, ويقضي على العقيدة ولا يكون بعده سعادة أبدا إلا إذا من الله على صاحبه وتاب إلى الله فإن الله على كل شيء قدير ولكن يصعب على أمثال هؤلاء أنهم يتوبون لأنهم تغلغل الفكر في أذهانهم. نعم الله سبحانه وتعالى est capable de tout et certains de هؤلاء ils ont déjà fait التوبة لكن la plupart c'est très très difficile. كما قال الشيخ لأنهم تغلغل الفكر في أذهانهم لأن ces pensées et ce lavage du cerveau c'est ancré en eux. C'est très très difficile pour que cette pensée leur elle soit retirée. Wallahu jalla wa ala yaqul falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdi alqawm alfasiqin. 'Uqubatan lahum illa wallahu qadirun an yahdiyahum lakin 'aqabahum wa harramahum min hidayatihi. Allah subhanahu wa ta'ala il est juste. Si haoula ils se sont égarés, c'est de leur faute. C'est de leur faute, li'annahum ils n'ont pas accepté le haqq. لأنهم يسسون أنتتي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وإلا فالله سبحانه وتعالى il est juste. Et la preuve c'est que هؤلاء même si quelqu'un les conseille بعلم avec les sources que eux ils acceptent هؤلاء ils prétendent défendre quoi et combattre pourquoi pour élever la parole d'Allah le Coran la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم إلى آخره pour l'islam tu les conseilles avec la parole d'Allah سبحانه وتعالى et les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم ils acceptent pas. Ça montre أن هذا c'est من الزيغ. Leur combat c'est devenu une passion. Pourquoi? Les causes citées précédemment. Ils ne faisaient rien de leur vie. Ils n'avaient aucun objectif. En général, c'est des paresseux, que ce soit fi dunya ou dans l'ilm. Et ils ont voulu un chemin assez rapide pour Al-Jannah. Lakin, ce n'est pas comme ça. Al-Jannah, pour pouvoir espérer Al-Jannah, le paradis, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala et suivre Al-Nabi alayhi salatu salam. Et ne pas faire du mal à ses parents et écouter le gouvernant musulman fi ghayri ma'siyatillahi azza wa jalla bien sûr et respecter les savants. Ça c'est une des causes pour rentrer fil jannah. Qala limadha لأنهم فسقوا عن أمر الله عز وجل فعاقبهم الله فكونهم لا يتوبون ولا يرجعون عقوبة من الله جل وعلا مع أن الله قادر على أن يهديهم ولكنه حرمهم الهداية عقوبة لهم. نعم كما تقدم أن الله عز وجل il est juste et si se sont égarés c'est de leur faute. مع هذا on désespère pas et on conseille ce qu'on peut conseiller et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide ou qui nous préserve de leur mal. قال الشيخ نسأل الله العافية ونسأل الله أن يجعل من هذه الكلمات اليسيرة أن يجعل فيها خيرا وتوجيهات سليمة إن شاء الله والأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك ولكن لضيق الوقت وكثرة الأسئلة نجعل بقية الوقت للإجابة عن الأسئلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم donc la base c'était une conférence qu'ils ont retranscrite ولله الحمد كلام مختصر quelques conseils de ce savant Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى لشباب الأمة et on récapitule أن ce conseil on peut dire qu'il est divisé en deux parties. La première partie pour les jeunes, conseil par rapport à la fitna des shahawat qui s'écarte du haram, etc. Et la deuxième partie, par rapport à certains conseils pour se préserver de la fitna des shubuhat, des ambiguïtés. Et Cheikh Hafidhahullah, il a principalement conseillé sur la fitna qui a eu lieu à notre époque, fitnato at-takfir. Il y en a beaucoup de jeunes qui aiment din et qui aiment le Coran ou le Sunna à cause de leur ignorance ou à cause des passions ou à cause de certains groupes et certains manquements des parents ou autres, ils sont tombés dans cette fitna. Fabihada, on a fini la lecture de cette risala. Walillahi alhamd wal minna. Naktafi bihada et on continue l'étude de At-Tadmouriya demain bi-idhnillah azza wa jal. Donc demain, Inch'Allah, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.